Le beau temps de Marilyn Debiol. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon. À l'issue des élections législatives, le 3 mai 1936, Léon Blum est appelé à former le gouvernement. En même temps que Blum annonce la semaine de 40 heures, la généralisation des conventions collectives, les congés payés, la France se met en grève. Comme l'écrit Simone Veil dans La Révolution prolétarienne, il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours. Nice n'est pas en reste. Elle est même à la pointe du mouvement gréviste. Pendant ces jours de juin, brûlant sous l'effet conjugué du soleil et de la fronde, près d'un tiers des employés et ouvriers sont en grève. Et même les employés des casinos, les coiffeurs, les concierges cessent le travail. Cinquième mouvement. Maurice est-il déjà à Nice en juin? Je ne sais pas. Mais c'est à la Villa Mektoub, cet été-là, qu'il écrit sa Jeanne d'Arc, non loin de l'église en béton blanc du même nom. Il joue au tennis, nage, prend des bains de soleil et écrit Jeanne d'Arc d'après le drame en trois pièces de Charles Péguy qui commence par 1425, en plein été. C'est un bel été, bien chaud. En Espagne, sous la houlette du général Franco, les militaires se soulèvent contre la République. Ils se heurtent à une résistance farouche, bientôt soutenue par des volontaires des brigades internationales, dont de nombreux Français. En novembre, le ministre de l'Intérieur, Roger Salengro, est accusé à tort de désertion pendant la Première Guerre et calomnié par la presse d'extrême droite. Il se suicide le 18 novembre. Trois jours plus tard paraît, dans l'Aube, Pour l'honneur, un appel des intellectuels qui dénonce l'écrasante responsabilité encourue par ceux qui osent parler sans preuve contre l'honneur d'un homme. Signé entre autres par Arthur Honegger, Emmanuel Mounier, Maurice Merleau-Ponty et Maurice Jobert. Une loi contre la diffamation par voie de presse sera votée en décembre. À l'automne, Maurice Jobert va à Londres. Le soir même de son arrivée, il prononce une conférence sur la musique et le cinéma qui fait date. Il souligne la nature spécifique, essentiellement dissemblable de la musique, dont la puissance de suggestion va accentuer, prolonger l'impression de dépaysement, de rupture avec la vérité photographique que cherche le metteur en scène. Il écrit à Marthe que la conférence a bien marché et qu'il a presque entièrement improvisé. Et comment savoir ce qu'il a improvisé? Le ton de sa voix, sa belle voix bien placée, que j'imagine alors pas contenue comme pour le commentaire de l'île de Pâques, mais vibrante, presque violente. L'île de Pâques serait le sommet d'un continent englouti, frère jumeau de l'Atlantide, et les grandes statues, les images divines d'un monde disparu dans la nuit de l'histoire. J'ai beau croire que mes pas s'emboîtent dans les siens, je me rends compte tout à coup que je ne sais pas s'il dort sur le côté, ce qu'il aime manger, s'il préfère le vin blanc. Il reviendra à Londres en 1939. Et même s'il attrape un énorme rhume, se sent toujours dépaysé, il a désormais ses habitudes, se débrouille un peu mieux avec la langue, assiste à l'enregistrement d'une émission de music hall qu'à Paris, Marthe et lui ne manquent jamais d'écouter à la radio. Mais il est surtout enthousiasmé par la BBC, épaté par la qualité technique dont il dispose pour l'enregistrement de la musique qu'il a composée pour une émission en deux épisodes, The Voices of Paris. Et depuis le haut-parleur de la rue du Cherche-Midi, Marthe et Françoise écoutent Maurice diriger l'orchestre en direct. C'est de ce voyage qu'il rapporte Snow, la peluche blanche, à Françoise. En juillet, Maurice Jobert enregistre la musique d'un carnet de bal de Julien Duvivier et de Drôle de drame de Marcel Carnet, puis part se baigner à Nice. Est-ce que l'eau est bonne? Car on ne demande pas si la mer est chaude ou froide, mais si elle est bonne. Elle est bonne ou elle n'est rien? Je sais bien ce que répond Maurice Jobert à cette question, engagé à mi-corps dans la mer. Un oui un peu trop fort, car on parle toujours trop fort quand on est dans l'eau. Oui. Et en riant, il engage sa fille Fifi, à venir le rejoindre. Ce qu'il y a de poignant dans l'été, c'est la faim que le beau temps distille. La faim inscrite dans le beau temps qui semble pourtant devoir durer toujours. Juste avant l'été, le 18 juin 1919, est la date du bal dont se souvient l'héroïne d'un carnet de bal, le film très noir, très désenchanté de Julien Duvivier, qui s'ouvre avec la valse qualifiée de grise par un des anciens cavaliers de Christine, joué par Fernandel. Comme dans Zéro de conduite, la musique a été enregistrée à l'envers et retournée au montage. Les notes sont aspirées et nous, avec, qui entrons dans le rêve du bal. De jeunes hommes en queue de pie s'avancent au ralenti vers les jeunes filles en crinoline blanche. On voit les jeunes hommes de dos, les jeunes hommes en queue de pie noire, d'innombrables Maurice Jobert découpés dans le même papier. Les notes sont aspirées et nous avec. Drôle de drame de Marcel Carné est loin de connaître le succès du film de Duvivier. Les critiques sont désarçonnées par un comique qualifié de trop cérébral, très loin en tout cas du comique troupier qui sévit alors. Jobert s'en donne à cœur joie, parodiant allègrement tous les stéréotypes de musique de film qu'il a dénoncé dans sa conférence de Londres. On demande à la musique de commenter l'action. La scène est-elle tragique? Quelques accents de cor ou de trombone vont accentuer la noirceur de l'image. Scène sentimentale, solo de violon, qui rendra, croit-on, plus persuasive la déclaration d'amour du jeune premier. Je galope, je cravache ma monture. 1938 pointe déjà. Je n'ai pas le cœur d'évoquer les commandes, les pinsommes et par-dessus le marché les arrangements de Tino Rossi qui accablent Maurice. Le soldat, Jean. Jean Gabin apparaît dans la nuit, sur la route du Havre, où il compte prendre un bateau et s'enfuir à l'étranger. On comprend qu'il a déserté. Il nous dit combien tuer est horrible. On reste tout seul. On ne comprend plus rien à rien. Comme si le paysage se débinait. Maurice a construit toute la musique de Quai des Brumes de Carné autour de deux thèmes majeurs. Celui de Jean qui cherche à s'enfuir et celui des amoureux, Jean et Nelly, joués par Michel Morgan. Les deux thèmes s'affrontent discrètement, comme dans la scène de la fête foraine où Nelly a l'intuition du départ de Jean, comme si elle avait entendu sa petite musique se mêler insidieusement à leur chant d'amour. Jobert sait, comme personne, marier sa musique au bruit du monde. Le succès considérable du film éclaircit la situation financière de Jobert. Un peu tard, car le temps presse. Le temps presse. C'est de nouveau l'été. Maurice descend à Nice, seul, par les grands cols et en car PLM, la mythique compagnie Paris-Lyon Méditerranée. Je connais bien cette route pour l'avoir empruntée autrefois avec mes parents. Mais comme Maurice est destiné aux choses neuves, il emprunte quant à lui la route du col de l'Iseran qui vient d'ouvrir, à 2770 mètres d'altitude. Je travaille bien, et ce petit film me sort des Tino Rossinades. Je retrouve presque la musique, et c'est très précieux. Écrit Maurice à Marthe, comme il compose la musique du court-métrage de Jean Epstein, Eau vive, où il est question d'un pays privé d'eau, d'un village qui se meurt et revit par l'entremise d'un pigeon voyageur, d'une jeune fille moderne, de l'amour éternel, d'un forage et de l'adduction d'eau. Il est un peu consolant de savoir que ce petit film a éclairé les journées de Maurice Jobert avant que le paysage ne commence à se débiner. Depuis la mi-août, se profilait la crise des Sudètes. Hitler déclare vouloir libérer les Allemands des Sudètes de l'oppression tchécoslovaque. Le 29 septembre, vers midi, à l'invitation d'Hitler, les chefs de gouvernement allemands, britanniques, français et italiens se réunissent à Munich. À 1h30, dans la nuit du 30 septembre, les accords sont signés. Le commentaire de Churchill qui paraît dans le Times est sans appel. Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. On croit que la paix est sauvegardée. On fait semblant d'y croire. En décembre, alors que les brigades internationales se sont retirées d'Espagne, que les franquistes gagnent inexorablement du terrain, Maurice Jobert achève de composer « Ô mes frères perdus » sur des poèmes d'Éluard, cet hommage à l'Espagne qu'il qualifie de lointain, sans doute parce qu'il se sent coupable de n'avoir pas été sur le terrain. À l'hôtel du Nord, le petit garçon très brun est au bout de la table du banquet. Il a peur de l'orage qui lui rappelle Barcelone où ses parents sont morts. Ni le mot « guerre » ni le mot « bombardement » ne sont prononcés. Mais on sait d'emblée, en 1938, qu'il s'agit de la guerre d'Espagne. Comme on sait d'emblée que les patrons de l'hôtel qui ont adopté l'enfant sont de braves gens. Et contrairement aux gendarmes festoyants avec eux, ils ne considèrent pas l'enfant comme un étranger. À la table du banquet apparaissent, au début d'Hôtel du Nord et mine de rien, les clivages de la société française. Maurice Jobert n'a pas composé beaucoup de musique pour ce film. On le sait, la musique de Jobert n'en rajoute jamais. Elle est absente des scènes dramatiques. Et comme il est question du canal Saint-Martin et d'Écluse, le film s'ouvre par quelques notes de l'Atalante, comme un regret. Pas assez d'eau, trop d'atmosphère. Au début de l'année 1939, on échange des vœux, on n'évoque pas la guerre, on marche sur la pointe des pieds, mais le cœur s'emballe. Je connais pourtant le dénouement. Et puis c'est la fin du jour et le jour se lève, les deux derniers longs métrages pour lesquels Jobert écrit de la musique. La fin et le lever du jour. Mais c'est la nuit qui vient. Le 26 janvier, Barcelone tombe aux mains des troupes franquistes. Des milliers de réfugiés commencent à affluer en France dans des camps qui deviendront très vite des camps d'internement. 500 000 personnes fuiront ainsi l'Espagne. La fin du jour de Julien Duvivier sort au tout début du printemps, le 22 mars. La musique berce doucement cet hommage crépusculaire aux comédiens. Le jour se lève sortira le 17 juin. Il sera interdit moins de 3 mois plus tard, qualifié de trop déprimant, comme les autres films de Carné. Et puis ce sera le dernier été. Maurice est tout heureux des performances de sa voiture, qui monte l'Iseran à 50 et même 60 à l'heure, jamais au-dessous. Il fait découvrir à sa fille la route des cols, et même s'il crève en attaquant le galibier, le voyage est formidable, et Fifi, le plus adorable des petits compagnons. Mais lorsqu'il écrit à Marthe de la Gineste, il est si fatigué que son écriture s'en ressent, presque illisible par moments. Nice, la Gineste, Saint-Martin-Vésubie, formant le triangle des vacances au sud, avec la mer pour sommet. La mer par laquelle, comme on sait, il convient de commencer toute géographie, tout dessin du monde. Retrouve-t-il ce dernier été l'éternité de l'enfance? Cette sensation d'avoir nagé trop loin, d'être soudain au milieu de la mer, mais sans peur, de ne plus voir les côtes? L'été 1939 n'est pas très chaud. Même dans le sud, les températures ne dépassent guère 30 degrés. Qu'importe, la lumière suffit à notre bonheur. Et quelle lumière! Il n'y en a pas de plus brillante au monde. La vraie chaleur, ce sera pour la fin du mois d'août, comme si elle rassemblait ses forces avant de passer la main. Le 1er septembre, à l'aube, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Dans la matinée, le gouvernement français décrète la mobilisation générale et l'état de siège. Le 3 septembre, la France se déclare en guerre avec l'Allemagne. Maurice Jobert est cantonné sur le front de l'Est, dans une zone désertée par les civils, où sa compagnie est occupée à protéger les carrefours routiers, construire les barrages, passerelles, digues, à renforcer en somme la ligne Maginot, dite aquatique. Dans un carnet noir, Maurice Jobert a consigné jour après jour les opérations qu'il mène avec ses hommes. Il écrit hâtivement au crayon, dans un style télégraphique et en utilisant un vocabulaire propre au génie. J'ai du mal à le déchiffrer. Passerelle, estacade de putelange, battage de pales planches, coulage du béton au barrage Luperchouse à 15h30, rail à Farschwiller, secteur routier Saralbe, guindage. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, le capitaine Jobert est pris dans la bagarre, une attaque allemande à l'est de la Moselle, et participe au seul fait d'armes de la désormais drôle de guerre. à cause du contrôle postal, il ne peut rien raconter à Marthe. Mais il livre une image. Cette fameuse nuit, vers 3h du matin, j'approchais avec quelques hommes de l'église d'un village où je devais retrouver le reste de mes détachements. J'aperçois les vitraux vaguement éclairés et j'imagine aussitôt que mes hommes m'attendent dans l'église. J'entre. La nef était solitaire. Mes trois cierges brûlaient à droite de l'autel, dans une effrayante paix, d'autant plus profonde et inhumaine que la voix des canons accompagnait la scène. Dans la même lettre, il répond à Marthe, qui lui fait miroiter un possible retour à la vie civile. Quant à venir écrire la musique d'un film, d'abord l'idée que le monsieur en question obtiendrait de me faire revenir est comique. Ensuite, comment peux-tu imaginer que je profite de ce joint pour quitter ce qui est maintenant ma compagnie ? Et la honte que j'aurais de ce geste. Si tu savais en outre avec quel soulagement animal et quelle incroyable joie j'ai vu arriver un à un mes détachements au complet, peut-être comprendrais-tu que l'idée même de quitter les hommes dont on a ainsi la charge a quelque chose d'indécent. On sait la droiture de Maurice Jobert, son honnêteté, mais le temps de la guerre l'oblige à se hausser encore. Et s'il souffre d'être séparé des siens, si leur sort le préoccupe constamment, il finit par connaître une paix qui ne tient pas du miracle, mais de ses propres forces, jusque-là inconnues de lui. Ses lettres de guerre sont très belles. Il signe toujours Bico ou Puiche, mais il n'écrit plus à Coucoute. Il écrit à Mamie, comme s'il voulait grandir l'autre, lui donner de la force. Et ce qu'il laisse entrevoir de sa quête est à la fois plus serein et plus brûlant. L'hiver commence tôt. Le 28 octobre, il neige, note Maurice dans son petit carnet noir. Décembre sera glacial et le froid de janvier et février mordant comme jamais. Pour Noël, il tient à ce que ses hommes aient une petite fête. J'ai parfois une envie folle, non pas tant d'entreprendre du nouveau, mais au moins d'achever certaines choses commencées, notamment saisir, dont j'ai les brouillons avec moi. Est-ce parce qu'il s'agit du dernier chant ? Saisir est mon chant préféré. Saisir, composé sur 5 poèmes de Supervielle, est écrit pour soprano, harpe, piano et orchestre à cordes. Il y est question du paradis perdu. Il y est question de joie malgré tout, de joie douloureuse. Je pense à Mine. Sur les photos de 1941, elle a l'air si vieille et elle a encore tant d'années à vivre. Ses lèvres sont horriblement serrées. Je pense à Marthe et à Françoise qui mourront à quelques mois d'intervalle dans les années 90. Je pense à Marthe qui deviendra antiquaire quand elle ne pourra plus chanter et qui ne perdra jamais sa fantaisie. Selon le Robert, le mot psaume viendrait du grec psalmos, dérivé de psalein, pincer, tirer une corde d'arc ou d'instrument de musique. Je le prononce à voix haute pour entendre le pincement de la corde. Et lorsque je regarde psaume, écrit par Maurice Jobert, je vois le grand S qu'il dessine, comme l'ouïe d'un violon. Maurice Jobert forme le vœu d'écrire non pas une symphonie héroïque, mais seulement une musique qu'il voudrait forte, grave et tendre, à la mesure de l'homme. Les trois psaumes pour le temps de guerre, composés aux armées, front de la Sarre, février 1940, répondent à ce vœu. Ils se donnent sans apprêt et disent la peur, la colère et par-dessus tout l'espoir de l'unisson. Je jurerais que Maurice, en les écrivant, a en tête l'image de l'église vide et silencieuse, dans laquelle brûlent trois cierges, la nuit du 16 au 17 octobre 1939. Les psaumes sont les trois cierges qu'il a allumés dans le froid. Le printemps est décidément très doux. Le 10 mai, les Allemands attaquent. C'est le début de la guerre éclair pour eux et de la bataille de France pour les Français. Une campagne très meurtrière. Maurice assure à Marthe qu'il n'est pas exposé, et que grandes sont sa compassion et sa gratitude pour ceux qui se font tuer, alors que lui ne risque rien. C'est une soirée glorieuse, d'un admirable jour de Pentecôte. Ceux d'en face se sont calmés et le calme n'est troublé que par quelques puissants coups de canon des nôtres qui font trembler nos murs. Il y a peu de chances que nous dormions bien cette nuit. Mais je voudrais te faire sentir la paix surhumaine qui m'habite et que, dans le bruit comme dans le silence de mon cœur, je me sens près de vous deux. Partage cette paix. Il y aura encore la lettre du 8 juin, puis plus rien. Il faut lui lâcher la main. Je fais place nette sur mon bureau. Les lettres, les photos, les documents, les CD, les DVD, je range, je nettoie, je balaye par terre. Il est temps de lui lâcher la main. Il est seul dans la multitude, dans l'énormité des chiffres, dans l'avalanche des dates. Je le perds de vue. En juin, je vais à Azraï. Pas tout à fait le 19 juin, et je n'accomplis pas tout à fait un pèlerinage. Je vais à Azraï en voiture depuis Nice. Il fait très beau, un temps radieux. Je me trompe de sortie. Le premier E d'Azraï était l'idée. C'est ce que j'apprends en demandant mon chemin à la seule personne que je vois ce matin-là. C'est tout près. C'est à toucher. À Azraï, d'abord, je ne vois rien, hormis la forêt tout autour. Je la vois d'autant mieux que je connais son nom. La forêt domaniale des Hauts-Bois. Je n'ai pas le temps de me demander ce que je suis venue chercher, car j'ai un coup au cœur. En croyant reconnaître, parmi les premières maisons encore disséminées au bord de la route, celle dont Maurice Jobert a envoyé la photo en mai 1940. Je ne m'attendais pas à elle. Azraï était pour moi le seul lieu du combat, de l'attaque, de la blessure mortelle. De la maison, non. J'avais oublié la maison. Mais je la reconnais, avant même de la regarder. J'entre dans le rêve, les yeux ouverts. Je me gare au bord de la route. L'air est très parfumé. Une odeur de pomme. Avec la photo de la maison, Maurice a envoyé une vue de la fenêtre de sa chambre. Un arbre en fleurs au premier plan et le clocher de l'église un peu plus loin. L'arbre n'est plus. Ni l'église du 18e, bombardée en 1944. Je vois, de l'autre côté de la route, à quelques centaines de mètres, un arbre clair. Ce n'est pas un arbre imposant, mais il est si clair que je ne vois plus que lui. Il est au bord de l'eau. Cette eau-là ne coule pas. Elle dort, couverte de feuilles d'arbres et de lentilles d'eau. Et je ne suis pas submergée par la beauté de l'endroit, mais au contraire, extraite par elle de la confusion. Je vois et j'entends. Dans la maison, Maurice Jobert avait rêvé de Snow, la peluche blanche rapportée d'Angleterre à sa fille. J'ai rêvé de Snow, j'ai rêvé de neige, et je sais que je me tiens près de l'arbre clair, parfaitement réveillée, et même réveillée comme jamais. À l'intérieur du rêve de Maurice Jobert. Je marche sur la neige de l'été qui s'annonce. C'était « Le beau temps » de Marilyn Desbiolles. Lue par Marie-Sophie Ferdan. Avec la voix de Gonzague Van der Vessles. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon. « Le beau temps » de Marilyn Desbiolles est publié aux éditions du Seuil.